Le dirigeant suprême Kim Jong-un a adressé le 21 avril un message de félicitations à 15 membres de la section héros Kogyong-chan de la galerie 5 avril de la mine de Kumgol du complexe minier de Komdo qui ont accompli le plan annuel de l'économie nationale à l'occasion de l'anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Il a apprécié haut la section qui a créé un nouveau mythe de l'époque de Malima et adressé ses remerciements aussi bien aux membres de la section de leur famille et aux cadres de la mine qui l'ont assisté. Il a souligné que les membres de la section devront redoubler d'efforts pour se mettre à la tête de la marche de tout le peuple pour la conférence des pionniers de Malima et que toutes les galeries et toutes les sections de la mine de Kumgol devront suivre l'exemple de la section héros Kogyong-chan pour faire briller la tradition de la fidélité de la classe ouvrière de Komdo par une plus grande innovation collective. Il a exprimé la certitude que les membres de la section et tous les ouvriers de la mine feront preuve du héroïsme de masse pour devenir chevaliers et pionniers de Malima.